Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. Nuit Racine. Deuxième nuit Racine. Alors pour mémoire, la semaine dernière, lors de la première nuit Racine, nous avons reçu Jennifer Tamas, qui est auteure de l'essai Le silence trahi, Racine ou la déclaration tragique chez Droz, et Serge Bouris, comédien, metteur en scène et auteur d'un spectacle intitulé Racine par la Racine, qui raconte en 1h15 les 11 tragédies de Racine. Les archives proposées, c'était un Bérénice enregistré en 1950 par la chaîne nationale avec Jean Chevrier, Jacqueline Moran et Serge Reggiani en tête de distribution, puis une conférence de Béatrix Dussane, les débuts du jeune Racine, 1664, la Thébaïde, puis prestige du théâtre Sarah Bernard, la fille de Minos et de Pasiphaé, par Léon Chancerel à la Société d'Histoire du Théâtre, puis lecture à une voix de Michel Pollack, qui avait confié à Jean Marchat la responsabilité d'interpréter tous les personnages de Britannicus, puis Anthologie française Racine prosateur par Jean Debert et L'art du comédien, propos et pratique, Phèdre. Madame Simone donnait ses conseils à deux comédiens qui répétaient, qui jouaient la scène 5 de l'acte 2 de Phèdre. Bonsoir Mathilde Joanneau. Bonsoir Philippe Garbi. Et bonsoir Basile Ader. Bonsoir Philippe Garbi. Alors dois-je vous appeler Maître Joanneau, Maître Ader? En tout cas, en vous accueillant tous deux, je reçois quatre personnalités, ou peut-être plus d'ailleurs. L'avocate et l'avocat, vice-bâtonnier du barreau de Paris d'une part, et deux comédiens d'autre part, une comédienne et un comédien. Alors bonsoir à vous quatre, ou à vous deux, en tout cas vous êtes bien l'un et l'autre avocat. Oui. De vrais avocats, et puis vous êtes aussi comédien, ça veut dire quoi? Vous avez une troupe de théâtre et vous allez pouvoir nous parler de Racine, Mathilde Joanneau? Alors, on est, ça c'est sûr, tous les deux amoureux du théâtre comme spectateur, mais aussi comme comédien. On a eu des expériences dans différentes troupes et tout récemment, on a monté un spectacle dans le Palais de Justice, dans l'ancien Palais de Justice, à la bibliothèque de l'Ordre des Avocats, où Basile Ader a réussi à réunir plusieurs troupes, parce qu'en fait, on est nombreux à aimer aller sur les planches. Dans votre profession? Dans notre profession, oui. Oui. Donc voilà, c'est sûr que cet amour nous réunit et nous réunit sur les projets les plus dangereux. Et on arrive toujours, on a toujours des envies, toujours des projets. Et en général, on arrive à les faire aboutir. Et vous arrive pendant une plaidoirie de penser à un rôle que vous allez interpréter le soir même? Non, Mathilde Joanneau, ça, sérieusement, non. C'est quand même très différent. On aime prendre la parole, mais c'est pas la même chose. Basile Ader. C'est à la fois très proche et en fait très différent. Ça veut dire quand même que tous les comédiens, pour poser une question banale et attendue, tous les avocats sont des comédiens. C'est-à-dire que et... beaucoup d'outils des comédiens, dans la façon de parler, de respirer, sont l'apanage de certains avocats, surtout s'ils en ont fait l'apprentissage dans quelques écoles de théâtre. Mais en fait, plaider, c'est pas du tout comme jouer, parce que c'est très différent. Mais on se sert de ce qu'on a pu apprendre au théâtre pour quelquefois plaider différemment. Ou... Donc c'est proche. Effectivement, c'est 30 000 avocats, le barreau de Paris, c'est donc, j'allais dire presque 30 000 gens qui auraient aimé être comédiens, mais en tout cas un grand nombre, ce qui explique qu'il y ait plusieurs troupes qui se soient montées, et j'avais eu l'ambition de faire un spectacle où toutes les troupes seraient représentées. C'est de grandes compagnies du barreau, et sous la houlette de Mathilde, qui a fait la mise en scène, nous avons joué Musée haut, Musée bas dans la salle haute de la bibliothèque. Et ça a remporté un grand succès, puisque sur une dizaine ou une quinzaine de jours, on était complet tous les soirs. Mais vous n'avez pas joué Racine. Et nous sommes dans une nuit Racine, dans la deuxième nuit Racine, donc sur France Culture. Alors, les auditeurs de France Culture auront compris que durant quelques dizaines de minutes, en votre compagnie, alors nous allons abandonner le Racine auteur des tragédies pour le Racine auteur. Enfin, ils ont compris, ils peuvent se douter en tout cas, et puis je l'ai annoncé la semaine dernière, pour le Racine auteur d'une comédie, la seule comédie que du reste nous écouterons cette nuit in extenso dans une version de 1949 qui réunissait entre autres comédiens Denis Dinès, Jacques Charon, Jean Meyer, Denise Jans et Jeanne Moreau. Alors, puisque je donne le programme, je vais donner un petit peu du programme, je vais donner toute la programmation, les archives en tout cas, également donc un Phèdre, Burke par la compagnie Maribel, date de 1947. Écho du grand siècle, Tendre Racine par Lélissiou, ça date de 1963. Puis une petite parodie de Phèdre par Vassilis Alexakis et GB dans l'émission de Bertrand Jérôme, Les Décraqués, c'était en 1989. Et puis L'Art du comédien, propos et pratique, où nous retrouverons Madame Simone qui donnait des cours à de jeunes comédiens, Le Songe d'Athalie. Et puis Texte nu, le Sur Racine de Roland Barthes, une émission de Claude Santelli qui a été donnée, enregistrée en public à Avignon en 1996. Et c'est Françoise Fabian qui lisait des passages du texte de Roland Barthes sur Racine. Entre-temps, et au milieu de la nuit, nous aurons reçu Alain Arnaud, qui est président de l'association Jean Racine et son terroir et conseiller culturel du musée Jean Racine à La Ferté, Milan. Et nous aurons donc visité, nous allons visiter en sa compagnie cette maison d'enfance de Racine. En tout cas, il y passait ses vacances d'enfant. Il n'y est pas né, mais il passait ses vacances. Alors, on va revenir ou arriver à la comédie de Racine, Les Plaideurs. Maître Basile Adair et maître Mathilde Joanneau, avocat comédien. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu l'idée de mettre cette pièce à votre programme? Enfin, je ne comprends pas, Basile. Mais si, si, justement. Ça, non, mais ça tombe très bien parce que nous en avons l'idée, nous avons le projet. Et avant même que vous nous en parliez, nous sommes dit, tiens, cette salle de la bibliothèque, ça a été un merveilleux cadre pour, parce que c'est à la fois une salle de rendez-vous du palais, mais c'est aussi un lieu de justice. Et donc, c'était le moment. Il faut avoir cinq comédiens qui tiennent la route parce que c'est des alexandrins. En tout cas, je projette ça pour les mois prochains. Alors, lequel d'entre vous veut nous raconter un petit peu ce que sont les plaideurs, ce qu'est cette pièce, les plaideurs, et en quoi elle concerne deux avocats tels que vous? C'est quand même, et d'abord étonnamment toujours d'actualité, et c'est vraiment la satire du monde judiciaire de l'époque. Mais quand on la relit, quand on la relit et relit, on se dit que les travers des justiciables, des avocats et des juges, sont dépeints avec perfection. Alors moi, c'est pas ma pièce préférée de Racine, mais quand on est dans le monde judiciaire, on s'amuse, on s'avoue la critique de l'avocat d'abord, et puis si on est avocat digne de ce nom, il faut continuer à avoir de l'humour aujourd'hui où l'accès à la justice est plus compliqué. Et donc c'est complètement d'actualité pour moi de monter les plaideurs. J'y vois des choses merveilleuses à apporter qui ont peut-être un peu changé avec le temps. Et je pense notamment à Dandin qui est le juge, qui veut toujours juger. La question d'aujourd'hui, est-ce que les juges veulent toujours juger? Je ne suis pas toujours sûre d'avoir cette réponse-là. Mais c'est toujours amusant, les personnages monomaniaques, de toute façon. Exactement. C'est le principe de la comédie. La monomanie, ça peut être l'avarice, ça peut être le désir d'être malade, l'envie d'être malade. Basile Adair. Non, moi, je trouve que la pièce est restée d'une grande actualité. Il y a les plaideurs, il y a les Courtelines un siècle, deux siècles après, et on y retrouve toujours ces travers de... Mais il faut que vous sachiez que Racine a eu l'idée de cette pièce parce qu'il a eu des déboires dans une affaire dont il n'avait pas compris les tenants et l'aboutissant, qu'il a vu se débattre pendant des années, et il s'est dit, faut que j'en fasse une comédie. Donc il a été évidemment inspiré par Aristophane, mais c'est ses propres déboires qui... Et Courteline aussi, hein, quand je fais le parallèle, pardonnez-moi, il me vient à l'esprit, parce que ça, par contre, Courteline, je l'ai souvent joué, c'était aussi ses propres déboires qui l'avaient autant inspiré dans la satire judiciaire, qui est quand même finalement assez proche de la réalité à certains égards. Alors, il faut que vous sachiez, et vous le savez, bien entendu, que c'est une tradition de jouer les plaideurs au palais de justice. Ça ne veut pas dire que c'était des avocats qui interprétaient, mais vous allez entendre une archive qui est très ancienne, enfin, elle est de 1939. Pittoresque. On joue sur les marches du palais de justice les plaideurs de Racine. Manifestation originale, vous allez pouvoir en juger. La flèche de la Sainte-Chapelle, les marches du grand escalier du palais de justice servent aujourd'hui de décor aux plaideurs. Aux plaideurs de Racine, mes chers auditeurs. Car nous devons à M. René Rocher une mise en scène heureuse, absolument remarquable. Le rideau lui-même est constitué par 50 laquais habillés à la française, porteurs chacun d'un chandelier à trois branches allumées. L'orchestre est en costume du XVIIe siècle. La chaîne, aux boucles blondes, portant jabot, nous entraîne sur des musiques de Lully. Et maintenant, la scène finale des plaideurs. Et je passe avec vous le reste de mes jours. Mais que les avocats soient désormais plus pauvres. Et notre criminel, nous ne parlons que de joie. Grâce, grâce, mon père. Eh bien, on le renvoie. C'est pour votre faveur, ma parole, ce que j'en fais. Allons nous divertir à voir d'autres pensées. La représentation est terminée. Nous voici maintenant dans une des salles d'audience du palais qui sert aujourd'hui, mes chers auditeurs, de vestiaire aux artistes. Les voici à notre micro. Pas trop gêné par la tour du palais de justice. Ah si, j'avoue que je suis un peu troublé pour des tas de raisons. D'abord parce que je joue un classique et chaque fois que je joue un classique, j'ai toujours le trac. J'ai appris ces rôles-là au conservatoire. Je l'ai joué il y a 28 ans à l'Odéon, mais chaque fois que je le joue, j'ai tout de même un grand trac. Et je l'ai doublement parce que aujourd'hui, c'est sur les marches du palais de justice où il y a beaucoup de juges, des juges qui peuvent être très sévères, comme vous pensez. Et puis alors, c'est tellement grand. Nous avons un plateau qui a 14 mètres de longueur. Il y a des marches, c'est effrayant. On fait des courses à pied, on est essoufflé. C'est vraiment très difficile. Bien, mes chers auditeurs, on ne le dirait pas parce que Stephen s'est magnifiquement dépensé et il a magnifiquement réussi. Vraiment, vous m'avez entendu, dites-moi ça, parce que sur le vraiment, scène, on a absolument l'impression qu'on ne vous entend pas du tout. Au contraire, les micros portent peut-être la voix au loin, mais nous ne sommes pas. C'était excellent. Je suis très content. C'était en juin, le 19 juin 1939, René Rocher, acteur et metteur en scène. Donc, alors, il mettait en scène les plaideurs au Palais de Justice de Paris, dans l'île de la Cité, avec 50 laquais à la française. Enfin, il y avait de l'argent, hein, c'était... Oui, aujourd'hui, on est moins nombreux sur scène. Basile Adair, vous pensez pouvoir faire cette mise en scène un jour? Mais en fait, je vous dis, avec tous les candidats comédiens, pourquoi pas, on aura sans doute beaucoup de gens qui postuleront. Mais pas pour être figurant. Au début, il faut accepter un rôle de hallebardier si on veut progresser. Hein. C'est sûr. Comme dans toutes les troupes pareilles. Vous avez commencé comme ça. Bien sûr. Et les pensionnaires, et puis les nouveaux, etc. Non, et puis même sur les costumes, on les loue, on verra comment on monte ça, sur quel genre, mais c'est pas ça qui nous arrêtera en tout cas. Alors, qu'est-ce qui vous arrêterait finalement de jouer Racine? L'Alexandrin, c'est quand même très ambitieux, et précisément parce qu'il y a une tradition des plaideurs au palais de justice qui existe toujours, hein, même si le tribunal a déménagé, ça reste un lieu de justice puisqu'il siège toujours la cour d'appel et la cour de cassation. Et donc nous attaquer à cette œuvre majeure et dans ce lieu-là et dans cette tradition-là, ça suppose d'avoir un peu d'ambition. Donc voilà ce qui pourrait nous arrêter, c'est de nous dire on n'en a pas les moyens. Alors on va raconter un petit peu la pièce quand même, que l'on écoutera donc au cours de la nuit avec la distribution que je vous ai indiquée tout à l'heure. Ça aurait pu être une tragédie parce que finalement il arrive que la justice puisse donner lieu à une tragédie. Là, ça donne lieu à une comédie. Alors pourquoi, Mathilde Jeune, vous avez relu la pièce récemment, vous allez la relire et la relire les mois qui viennent. Oui, ça fait bien même 2-3 fois que je la relis. C'est une comédie parce que, et c'est étonnant dans l'œuvre de Racine que ce soit sur ce système judiciaire qu'il a voulu faire sa comédie, mais en réalité je pense qu'il en souffrait beaucoup de ce système judiciaire. Donc c'est une façon pour lui de parler d'un milieu dont il a souffert, mais aussi de se moquer vraiment de l'éloquence judiciaire, parce que pour le coup les avocats en prennent vraiment pour leur grade. Et quand on sait que quand il a écrit, il pensait en particulier à certains avocats, on peut se dire que nous, quand on va le monter, on pourra penser à d'autres confrères. Donc, la scène se passe en Normandie, mais ça ne veut rien dire. La scène se passe en Normandie, mais il y a des avocats normands, mais parisiens, qui se déplacent en province également. Non, c'est étonnant de voir comment, avec la finesse qu'il a dans l'écriture, il a pu inventer ses procès, quand même arriver à créer le procès du chien Citron, c'est quand même assez osé, à la fois d'en faire une satire et à la fois d'aller jusqu'au bout d'un procès de chien. Et c'est là où les avocats sont le plus ridicules, mais avec le plus d'emphase pour défendre ce chien voleur. Mais ça a existé, les procès d'animaux, de toute façon. Non, mais en plus, c'est assez d'actualité aujourd'hui avec le droit de l'animal, etc. Il y a toute une réflexion aujourd'hui sur le droit des animaux. Oui, mais l'animal n'est pas accusé, tandis qu'il était accusé. Il y avait une époque où il a été accusé, il a été condamné à mort, etc. Oui. Et la sentence était exécutée. Oui, mais quand le procès du chien arrive, ah oui, là, on est dans là, une comédie. On est vraiment dans la comédie. Et on est dans la comédie jusqu'au bout, mais même dès le début, la comédie est annoncée avec le sac à procès, ce juge qu'on enferme chez lui pour qu'il arrête de juger, mais qui va juger par la fenêtre, qui trouve tous les moyens pour pouvoir juger. Ben voilà, c'est assez drôle. Moi, ça me fait penser aujourd'hui à c'est quoi l'accès à la justice comment de cette pièce-là. Aujourd'hui, on sait que c'est compliqué d'accéder à son juge. Mais finalement, c'était compliqué d'accéder à ce juge d'Andin, puisqu'il faut aller chez lui dans les plaideurs pour qu'il rende ses sentences. Vas-y, Lader. Le propos reste d'actualité. L'intempérance processuelle de Chicano, le souci de juger en toute occasion, à tout moment, de Dandin, et l'absurdité de la situation, avec toujours cette intrigue qui est courante dans toutes les comédies de cette époque. Un homme va-t-il pouvoir épouser la femme qu'il aime, ou est-ce que quelque chose va se mettre en travers? Donc on regrette d'ailleurs que Racine n'a écrit qu'une comédie. Il était magnifiquement doué, peut-être autant que Molière à certains égards. Donc alors, il écrit dans l'avant-propos justement au plaideur. Il dit donc bon, il écrit: on examina d'abord mon amusement comme on aurait fait une tragédie. Ceux même qui s'y étaient le plus divertis eurent peur de n'avoir pas ri dans les règles et trouvèrent mauvais que je n'eusse pas songé plus sérieusement à les faire rire. Quelques autres s'imaginèrent qu'il était bien séant à eux de s'y ennuyer et que les matières de palais ne pouvaient pas être un sujet de divertissement pour les gens de cour. La pièce fut bientôt jouée à Versailles. On ne fit point de scrupule de s'y réjouir et ceux qui avaient cru se déshonorer de rire à Paris furent peut-être obligés de rire à Versailles pour se faire honneur. Donc là aussi, il y a encore le sujet d'une autre pièce, là, d'une autre comédie. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'ose pas trop rire, mais le roi rit, et finalement on se met à rire. C'est un sujet de comédie aussi. Oui, c'est assez étonnant d'ailleurs quand on lit les représentations de la pièce et cette peur de rire du système judiciaire, parce que je crois qu'on était étonné, le spectateur était étonné d'être devant une comédie de Racine, mais du sujet aussi. Est-ce qu'on peut oser rire de ces juges, oser rire de ces nobles avocats? Et à partir du moment où le roi rit, eh ben du coup le rire est libéré aussi. Donc ça aussi c'est d'actualité, parce que rire du système judiciaire, c'est pas toujours évident de se moquer de son juge, de se moquer des avocats. On voit bien que dans les médias, c'est compliqué d'attaquer le système judiciaire. Bon, on peut se moquer des avocats un peu plus que des juges. Plus facilement, oui. Oui, parce qu'il y en a beaucoup d'avocats, oui. et puis ils ne nous attaquent pas. Ils aiment bien ça, les avocats. Mais c'est vrai qu'on doit, respect hein, dans notre système juridique à la justice, dont l'autorité et l'indépendance doivent être préservées. Il y a un délice particulier d'atteinte à l'autorité, à l'impartialité du juge. Donc c'est effectivement, ça devait être déjà une question que celle de savoir si on pouvait le faire dans les termes de la comédie de Racine. Ce qui est amusant, c'est que ce qu'on voit à chaque fois, s'agissant de cette époque, tout le monde attendait de voir si, je crois que c'était le cas pour plusieurs pièces de Molière, si le roi allait rire ou pas, si le roi se détendait dans le bourgeois gentilhomme et tout le monde s'esclaffait, déjà c'était magnifique, parce que sinon la satire aurait pu être mal prise, donc ça dépendait un petit peu du degré d'humour et de susceptibilité du roi. Alors que dans une tragédie, finalement, qu'elle soit de Racine, de Molière ou de quelqu'un d'autre, il faut attendre 2h30, 3h pour voir ce que dit l'autorité à la fin, parce qu'on ne moufte pas pendant les monologues et les dialogues d'une tragédie. Tandis que la comédie, on rit, ose-t-on rire? Ben oui. Alors, si je vous donne chacun une feuille avec finalement un rôle, comme ça je vais vous distribuer, vous parliez de Chicano, Basil Hader, je suis sûr que vous seriez parfait, et vous Mathilde Joanneau dans La Comtesse, puisque vous avez lu récemment, alors est-ce que vous êtes capable en avocat et en comédien, de tout de suite, comme ça, pour les Nuits de France Culture, de vous mettre à interpréter cette petite page, hein, il y a 10, 15 lignes. Bon, écoutez, on va essayer. On va essayer, c'est une surprise, on n'avait pas le texte avant. Donc, mais non, mais puisque vous l'avez lu récemment, tout, vous savez trouver les questions. Ce que disait Basile sur la difficulté de cette pièce, c'est en effet quand même la technique que ça suppose et le travail qu'on aura à fournir pour la monter. Certes. Et on reste des amateurs. Oui, mais pas de répétition ici. Alors, vous êtes la comtesse, enfin, je pense que c'est comme ça. Oui, bah, ça c'est mieux comme ça, oui, effectivement. Oui. Alors la comtesse, Mathilde Jeannot. C'est moi qui commence, non? Non, vous... Deux bottes de foin, 5 à 6 000 livres. Monsieur, tous mes procès allaient être finis. Il ne m'en restait plus que 4 ou 5 petits, l'un contre mon mari, l'autre contre mon père et contre mes enfants. Ah, monsieur, la misère. Je ne sais quel biais ils ont imaginé, ni tout ce qu'ils ont fait. Mais on leur a donné un arrêt par lequel moi, vêtue et nourrie, on me défend, monsieur, de plaider de ma vie. De plaider ? De plaider. Certes, le trait est noir, j'en suis surpris. Monsieur, j'en suis au désespoir. Comment ? Lier les mains aux gens de votre sorte ? Mais cette pension, madame, est-elle forte ? Je n'en vivrai, monsieur, que trop honnêtement. Mais vivre sans plaider, est-ce contentement ? Des chicaneurs viendront nous manger jusqu'à l'âme, et nous ne dirons mot. Mais s'il vous plaît, madame, depuis quand plaidez-vous ? Il ne m'en souvient pas, depuis 30 ans au plus. Ce n'est pas trop. Hélas. Le hélas racinien, là, qui termine une scène comique, c'est vraiment parfait. Parce qu'on pense toujours au hélas, qui termine un acte ou une tragédie ou qui ponctue. Vous êtes bien comme ça. Vous pourriez changer, non, les rôles. Vous seriez la comtesse, vous, Basiladère, et vous, Mathilde Jeannot, le chicano. Vous pouvez, vous devez tout faire quand même. Ah, oui, on peut tout faire. Oui. Non, on va rester comme ça. D'autant que je vous ferai lire plus tard quelque chose. On va entendre aussi un autre extrait, parce que là, on était en 1939 dans l'archive précédente. Là, c'est plus récent. On est en 1958 sur Paris Inter. Les avocats qui sont des comédiens, je ne dirais pas qui s'ignorent, mais qui ne s'ignorent pas, vont donner la comédie à partir de ce soir. Qui se savent alors. Au palais de justice, maître Daniel Bécourt est l'un d'eux. C'est une vieille tradition, d'ailleurs de la basoche au Moyen-Âge, que de donner spectacle à l'intérieur du palais de justice. Mais il y a longtemps que vous n'aviez pas organisé pareille manifestation. Oui, je crois qu'il n'y a effectivement aucun précédent, en tout cas au palais de justice, qui s'inspira du décor naturel du palais, qui en l'espèce est notre premier acteur et le plus important, je pense. Oui, il va s'animer, absolument. Le palais va s'animer et la maison de Chicano est sur les... Il faut préciser que vous allez jouer les plaideurs de Racine. Les plaideurs de Racine, oui, il y a quelquefois une confusion fâcheuse qui se passe, et précisément à l'occasion du 290e de leur création, qui s'est faite en novembre 1668. Et alors comment va s'animer le palais ? Eh bien, le palais représente effectivement un décor, mais un décor naturel que nous utilisons, c'est-à-dire que la maison de Chicano constitue l'aile gauche du palais, la maison de Dandin constitue le centre, Dandin descendra de la fenêtre de la 14e chambre de la cour par une échelle de corde de 9 mètres, il apparaîtra dans les gouttières sous l'horloge, il apparaîtra sous le soupirail, Petit Jean partira des offices pour apparaître en courant après le chien Citron qui lui aura volé le fameux poulet, le chapon dont on parle tant. Et tous les interprètes sont des avocats ? Tous les interprètes sont des avocats, depuis la mise en scène jusqu'à la régie, en passant par les comédiens. Et même la jeune première est avocate ? Même la jeune première est avocate, il n'y a qu'un rôle féminin. Je tenais à ce qu'Isabelle fût la seule femme, étant donné que, jouée dans le style comédia dell'arte, il fallait que la comtesse fût un travesti. Est-ce que vous pensez que la pièce de Racine a une véritable actualité pour les avocats en 1958 ? On ne peut pas dire que la pièce de Racine est une actualité, étant donné qu'elle est, si vous voulez, éternelle, dans le sens que ce qui était valable au temps de Racine le demeure aujourd'hui, et que les parodies de Gautier, La Gueule, de Patru, et de Claude d'Expilly sont encore valables aujourd'hui, et je pense que l'on pourrait retrouver beaucoup d'avocats dans de nombreux intimés qui s'ignorent peut-être au palais. Donc ce soir, demain et après-demain, à 21h30, au palais de justice, les plaideurs de Racine, joués par les avocats. Avec ce soir, la télévision pour le troisième acte. Eh bien, la télévision, vous vous rendez compte. Alors, deux choses à dire. C'est que dans la version que l'on va entendre des plaideurs dans cette nuit sur France Culture, c'est bien Jeanne Moreau, elle, qui jouait le rôle d'Isabelle. Et puis, l'autre chose, c'est quand même... Maître Bécourt se trompait un tout petit peu, ou alors il savait qu'il se trompait, mais bon, il faut toujours dire que c'est une première... Il disait en 58 qu'il n'y avait jamais rien. On n'avait pas joué les plaideurs au palais de justice. Il était moins bien renseigné que vous, en fait. Parce que je pense même qu'avant 39, ça a été fait assez régulièrement. Ouais. Sans doute. Et vous le saviez alors, Basile Adair ? Oui, je ne connaissais pas les dates, mais je savais que c'était une tradition que de leur présenter. De la basoche ? Voilà. C'est quoi la basoche, alors ? C'est les gens de robe qui sont appelés comme ça, pour une explication qu'on m'a donnée, mais que je n'ai plus en tête là, à un moment où vous me posez la question. C'est pas péjoratif. Non, ça désigne les gens de robe, c'est tout. Vous vous rendez compte, alors, en 39, les laquais, les flammes, tout ça, etc. Là, on arrive par la fenêtre, on descend. C'est des mises en scène extraordinaires. Il faut quand même que vous soyez digne de ça, Mathilde Jeannot et Basile Adair. Oui, c'est vrai que je suis assez étonnée d'entendre Daniel Bécourt, que je connais. Je vois bien quel personnage et quelle figure il a été, comme avocat d'ailleurs, hein, au palais. J'ai pas le souvenir dans les archives de notre barreau d'avoir lu des critiques de cette représentation. Et 58, hein, donc. Mais, mais quand même, de sortir de l'horloge par une corde, ça me paraissait assez dément, mais j'aurais bien aimé voir cette pièce. Bon, j'ai pas vu. Ah, elle était filmée, visiblement, le troisième acte était filmé. Non, mais ça doit se retrouver. Ouais, ça doit se retrouver. Alors, oui, peut-être qu'on va aussi utiliser la cour d'assises, la salle des pas perdus et la grande bibliothèque des avocats. Je pense qu'on peut monter les plaideurs autrement aussi. Et que même moi, je l'aurais imaginé dans le nouveau palais de justice. Mais oui, bien sûr. Là, vous pourrez dire, pour la première fois, dans le 17e arrondissement de Paris, on va jouer les plaideurs. Ça serait quand même original. En fait, en tout cas. On peut jouer les plaideurs de façon moderne, comme on a vu plusieurs mises en scène de Racine tout à fait modernes. Et il y en a eu à la Comédie Française qui se sont risquées. Les plaideurs, quand on le lit aujourd'hui, et quand encore une fois on réfléchit à l'accès au juge dans notre nouveau tribunal, il y a là un signe pour les avocats de venir dire on est encore là. Puis puisque on va avoir notre maison de l'avocat dans ce nouveau palais de justice. Tout reste ouvert. Mais c'est vrai que le lieu de l'ancien palais et cette salle de la bibliothèque, on peut tout à fait aussi imaginer, parce que finalement, les décors, ce n'est pas très compliqué quand on lit cette pièce. On n'avait pas besoin d'avoir tout le palais de justice pour monter les plaideurs. Mais ça me donne une idée, en fait. Basile Adair. Oui. C'est vrai que ça, on peut tout faire. Moi, j'imaginais plus une représentation assez classique dans notre belle bibliothèque, mais pourquoi pas du théâtre filmé dans tous ces lieux un peu inaccessibles. Exactement. À certains égards du nouveau tribunal, qu'on irait filmer avec l'autorisation du président. Je pense qu'il faudrait y mettre des vrais magistrats d'ailleurs, et qu'on fasse un document audiovisuel. Qui pourrait intéresser la télévision. Ah, voilà. Vous pensez déjà coproduction avec France Télévisions et Radio France quand même. Écoutez, j'ignorais que Daniel Bécourt avait obtenu juste le troisième acte. Bon, c'est déjà pas mal que la télévision s'intéressât à sa production. Pourquoi est-ce que nous n'y arriverons pas? Surtout que je vous dis, le propos continue d'être très moderne. Alors, il précisait dans une autre émission, mais à peu près la même semaine, pour sa mise en scène, il donnait quelques idées. Écoutez. L'intérêt de cette représentation est de montrer les plaideurs dans leur cadre naturel, c'est-à-dire évidemment dans le palais de justice. Et c'est autour de cela que j'ai cherché à donner à l'ensemble de la présentation une unité qui fait que les avocats, justement, jouant les plaideurs, et c'est un peu ça le piquant de l'aventure, il fallait nécessairement que ce soit dans le palais de justice. Ce qui suppose une adaptation de la mise en scène à la fois à Racine, aux plaideurs, c'est-à-dire au public, et aux avocats, c'est-à-dire aux interprètes. Pourrait-on vous demander comment vous avez choisi vos interprètes? Eh bien, tout simplement, étant donné que j'avais affaire à des avocats, c'est-à-dire non pas des comédiens professionnels, j'ai pensé que le mieux était d'abord de trouver les personnages, un peu comme on fait au cinéma. Et c'est un peu comme cela que, dans les couloirs du palais, les camarades que je rencontrais, je les ai un peu interviewés pour leur demander s'ils consentiraient à jouer, en pensant qu'ils étaient déjà le personnage. Mais avant, ils n'avaient jamais fait de théâtre. Certains ont déjà joué la comédie un peu en amateur. Sur le plan de notre réalisation, je ne pense pas qu'aucun se soit jamais hasardé à monter sur les planches devant autant de monde, puisque notre salle comporte 1600 places. Je voudrais simplement, pour terminer, remercier, et alors vraiment du fond du cœur, Monsieur Descaves, l'administrateur de la Comédie Française, qui, lorsque je suis allé le voir pour lui demander l'autorisation de jouer, puisque vous savez que les comédiens français sont naturellement détenteurs de ce privilège, m'a ouvert tout grand ses portes et nous a assuré de sa parfaite sympathie, si bien que, au fond, ce sont les avocats qui auront le privilège de fêter ce 290e anniversaire, et j'en profite également pour remercier Monsieur le Président, Premier Président Rousselet, qui est le maître du Palais palais de justice, qui nous a réservé un excellent accueil, et monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, monsieur le bâtonnier à Léo, sans lequel nous n'aurions pas pu faire ce spectacle. On jouera les plaideurs les 28, 29 et 30 juin sur les marches du palais de justice avec un dispositif scénique de Jacques Lemarquet du TNP, qui n'est pas parmi nous ce soir, mais que je tiens également à remercier pour sa collaboration. Voilà, donc en fait, c'est en public, c'est dehors, c'est oui, c'est dehors, c'est manifestement, c'est dans la grande cour. C'est pour ça qu'il y a 1600 places. Voilà, oui, ils ont dû monter des estrades, ils se sont crus à Avignon, et c'est pour ça qu'on voit l'horloge, parce que je voyais pas comment tout ça était possible. Donc, parce qu'il faut quand même une unité de lieu, et vous pouvez pas transporter les spectateurs aux quatre coins du palais de justice, qui est quand même assez grand. Hein. Alors, Ariane Nouchkine pourrait faire ça. Oui, mais je sais pas. Mais plusieurs metteurs en scène font bouger les spectateurs maintenant. Donc on pourrait l'imaginer, mais c'est vrai qu'en effet je pense que Basile Adère a raison, si c'est dans cette cour là qui est l'entrée du palais de justice, de notre ancien palais de justice, de toujours ce qu'on appelle le palais de justice, la cour de mai, qui permettait en effet c'est très très beau, un accès et de pouvoir accueillir 1600 spectateurs. Alors les cloches, ce serait la Sainte-Chapelle qui donnerait un peu le ton. Oui, pourquoi pas. L'intimé de tout à l'heure, on parlait de l'intimé. Qu'est-ce qu'un intimé ? Parce que plaideur, juge, on comprend, mais Basile Adère. L'intimé, c'est celui qui a gagné son procès en première instance et qui est amené devant la cour parce que la personne contre qui il plaidait n'accepte pas la décision de première instance et a relevé appel. Et du coup, il est alors qu'il se serait évidemment satisfait de la première décision, il est amené à devoir se défendre à nouveau devant la cour en qualité d'intimé. C'est-à-dire qu'on l'a amené quasiment de force à venir s'expliquer à nouveau. Mais alors vous, quand vous lisez l'un et l'autre, quand les avocats lisent Racine, enfin en tout cas quand ils lisent les plaideurs aujourd'hui, est-ce qu'ils trouvent des différences dans le jugement ? Il n'y a pas de jugement, en fait. On se plaint, on plaide, mais... C'est le même jargon, on retrouve notre jargon judiciaire. Hein, le même ? Non, pas tout à fait le même, pas partout. Il y a du latin cuisine, enfin qui n'est pas de cuisine, mais qui est du... Mais il y a beaucoup de termes encore très usités, et dont d'ailleurs le justiciable se plaint parce qu'il ne le comprend pas forcément. Mais c'est pour ça, peut-être. Oui, non. C'est peut-être fait pour ça, c'est pas forcément volontaire, mais comme le droit est une matière, le droit a son vocabulaire et le judiciaire a encore plus son vocabulaire. C'est pour ça que votre fille est muette, on dit pas un blabla insensé pour terminer chez Molière. Non, la satire, c'est sur l'éloquence judiciaire qui a quand même un peu changé. Hein. On a encore quelques avocats qui peuvent plaider de façon un peu... emphatique. Oui, c'est ça, qui exagèrent un peu. Mais l'éloquence aujourd'hui, alors que curieusement, on plaide de plus en plus court, a toujours un grand succès, puisqu'il y a des concours de plaidoirie qui s'organisent dans toutes les facultés. Tous les jeunes avocats participent à ces concours d'éloquence. Donc il y a un attrait pour l'éloquence et curieusement, devant le juge, on plaide de plus en plus court. Pas au pénal, c'est pas vrai au pénal, mais c'est vrai à peu près dans toutes les matières. Et même au pénal, à part les assises, le droit à la parole et le temps de parole de l'avocat n'est plus le même qu'à l'époque, n'est même plus le même qu'il y a 50 ans. Et vous avez rencontré des êtres aussi affamés de jugement, comme ça, qui sont des... Vas-y, Adère. Ah oui, écoutez, moi j'ai un peu d'expérience. Je ne demande pas de nom propre, bien entendu. Non, mais je m'en garderai de vous en donner. Mais on les a croisés, ces plaideurs impénitents. Les plaideurs et le juge. Non, je parlais de ceux qui saisissent le juge et qui font un procès à toute occasion. Les procéduriers, quoi. Voilà. Ou qui s'invitent dans les procès en partie intervenante parce que ils entendent donner leur propre point de vue sur le litige en cause. Et hors notre code de procédure, qu'elle soit civile ou pénale, est finalement assez laxiste de ce point de vue et accueille favorablement. Et surtout, le juge ne peut pas les déclarer irrecevables sans s'exposer à ce qu'on fasse appel tout de suite de sa décision, ce qui bloque le procès. Donc il est obligé de les écouter. C'est un peu le vice du système. Donc oui, bien sûr, ça existe. Il y a des gens qui adorent la justice, qui ont besoin de justice, sont assoiffés de justice et à toute occasion, ils ont envie de venir devant un juge pour s'expliquer. C'est assez français, d'ailleurs. d'ailleurs. Mmh. Bah, la comtesse, le personnage que vous jouiez tout à l'heure, Mathilde Jeannot, c'est ça, elle a plusieurs procès en cours, elle fait un procès contre son mari, contre ses enfants. Alors intimé, vous voulez bien, Basile Ader, nous lire aussi les quelques lignes là qui vont permettre aux auditeurs qui n'ont pas encore entendu les plaideurs ou qui n'ont pas lu ou étudié jadis, de savoir vraiment le nœud du problème, parce que c'est un vrai, vrai, vrai problème quand même. Alors, intimé. Oh, vous êtes si prompte. Voici le fait. Vite, un chien vient dans une cuisine. Il y trouve un chapon, lequel a bonne mine. Or, celui pour lequel je parle est affamé. Celui contre lequel je parle, autant plus mais, et celui pour lequel je suis, prend en cachette celui contre lequel je parle. L'on décrète, on le prend. Avocat pour et contre appelé, jour pris, je dois parler, je parle, j'ai parlé. C'est beau, je dois parler, je parle, j'ai parlé. Vous pourriez terminer toutes vos plaidoiries c'est ainsi. C'est un côté César, non? Je viens, je vois et je vins. Voilà. Alors, donc, à un moment donné, Léandre, donc il y a combien de personnages? 5 ou 6, 7, dit « Mon père, il faut juger ». Alors, que dit Dandin? Allez, soyez Dandin, alors, Mathilde Jeannot. Alors, soyons Dandin, puisque en fait, maintenant, les juges sont des femmes, hein, oui. En majorité, finalement. Oui. Alors, ça pourrait être une idée, d'ailleurs, de faire jouer par une femme. Oui, aux galères. Alors, vous êtes Léandre, Si vous voulez. Oui. Un chien aux galères? Ma foi, je n'y conçois plus rien. De monde, de chaos, j'ai la tête troublée. Et concluez. Alors, vous avez fait l'intimé, Basile Ader, vous allez continuer à faire l'intimé. Lui présentant de petits chiens. Il y avait des petits chiens. Alors là aussi, il faut que vous pensiez à ce qu'il y a des petits chiens sur scène. Oui, c'est ça. Et oui. Le chien de la bâtonnière. Ouais. Il n'est pas si petit. Attendez, ça a l'air très particulier, le chien de la bâtonnière. Bon, non mais il faut 5 ou 6 petits chiens qui viennent plaider parce que, pour que leur papa ne soit pas condamné à mort, si j'ai bien compris. Donc il faut que ça soit à l'ancien palais de justice ou au nouveau palais de justice, oui, pour jouer Racine, Basile Ader, que vous fassiez venir une couvée de, de chiots. De chiots. Alors. Lui présentant de petits chiens, venez famille désolée, venez pauvres enfants qu'on veut rendre orphelins. Venez faire parler vos esprits enfantins. Oui, messieurs, vous voyez ici notre misère. Nous sommes orphelins. Rendez-nous notre père par qui nous fûmes engendrés. Notre père qui nous... Tirez. Notre père, messieurs... Tirez donc, quel vacarme, ils ont pissé partout. Voilà, donc maintenant, vous pourrez dire, on peut dire, si on ne connaît pas tout Racine, mais des lycéens peuvent dire à leur professeur de français que dans Racine, il y a le mot, il y a le verbe pisser. Oui. Quand même, a priori, si on n'a pas lu les plaideurs, on se souvient plutôt de Bérénice, d'Andromaque et autres. C'est ça, oui. Y a-t-il dans Racine l'utilisation du verbe pisser? Voilà. Cette nuit de France Culture, cette deuxième nuit Racine, France Culture a au moins aidé à cela. Alors, vous allez jouer, vous allez faire venir des chiens sur scène. Je ne sais pas s'ils ont le droit de venir. Il va y avoir tout un problème avec le service de sécurité. L'accès à la justice. Voilà, c'est à la justice de trancher. Vous allez jouer ça quand? Mathilde Jeannot, Basile Ader, maître Basile Ader, maître Mathilde Jeannot, comédien. Écoutez, moi j'aimerais vous annoncer une production fin 2020, début 2021. Il faut qu'on s'entende sur la distribution, la forme que ça prendrait. Et tout à l'heure, je retiens l'idée que nous avons eue d'en faire un spectacle dans le nouveau tribunal. Mais je pense qu'il faut faire un spectacle filmé à ce moment-là. Oui. Mathilde Jeannot. Ça, je pense qu'il faut qu'on en parle encore tous ensemble, oui. Et la troupe qu'on pourra constituer. Parce que, comme on est nombreux à aimer faire du théâtre, je vous pense allez vous faire voler l'idée. Voler l'idée peut-être, déjà. Mais non, ça je pense procès pas forcément. En vue. Parce qu'il faut de l'énergie pour le monter. Donc, je suis pas sûre que tous aient envie d'y déployer autant de temps et d'énergie qu'on a pu le faire et qu'on a envie de mettre en place. C'est plutôt la distribution qui va faire des jaloux. Parce que la comtesse, il n'y en a qu'une. Et cette scène, elle est quand même assez exceptionnelle. C'est déjà vous, là. Non. Jouer Isabelle, Mathilde Jeannot. Non, j'ai plus l'âge de jouer Isabelle. Mais voilà, il y a peu de personnages féminins. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait voir un juge femme. On pourrait aussi imaginer plusieurs chicanos. Bref, il y a toute une palette... à construire. Et même quand on en parle, on vous dit on pourrait le faire dans l'ancien ou dans le nouveau palais. Voilà, on a plein d'idées. Il faut que nous, on arrive un peu à se déterminer. Vous avez toute la nuit pour y penser. Entre-temps, on va pouvoir suivre une Phèdre par la compagnie Maribel, beaucoup plus sérieux. Puis Écho du tendre siècle, Tendre Racine, émission de Lily Sioux. Puis une version libre de Phèdre, très courte, dans Les Décraqués de Bertrand Jérôme avec Vassilis Alexakis et GB. Puis on rencontrera Alain Arnaud, donc, qui s'occupe de l'association Jean Racine et son terroir et qui est le conseiller culturel pour le musée Jean Racine à La Ferté-Milon, et puis Les Plaideurs, donc de Jean Racine, dont nous avons quelque peu parlé à l'instant. Proposer pratique l'art du comédien, Madame Simone Attali. Et puis on terminera cette nuit par une émission de Claude Santelli qui avait été enregistrée au Festival d'Avignon en 1996 en public. C'était le Sur Racine de Roland Barthes, lu par Françoise Fabian.